parler d'amour comme d'une honte, d'un secret trop lourd. Je veux seulement savoir si c'est aussi plaisant à faire qu'à voir. Seul dans ce grand effroi, j'aimerais que quelqu'un s'invite parfois. Car l'amour est un crime où l'on ne peut se passer de complice. Je t'aimerai comme une femme, je t'aimerai comme une femme. Je noierai alors pour toujours ton âme. Je t'aimerai comme un homme, je t'aimerai comme un homme. Tu sais que moi je t'aimerai comme personne. Dans mes désirs ardents, je veux découvrir ce que cachent les yeux. Je veux toucher les bouts des doigts, être l'essence de ton âme. Dans mes désirs ardents, je sais qu'un jour on se réalise. Tous mes désirs de vierge ardente, déjà je sens ta main se tendre. Je veux une nuit sans fin, la peur du couffret, l'attirance du vide. Et dans les draps de sable, ta main, tout ton être en est-il capable. Je m'avance vers le miroir, regarde bien, on ne peut rien voir. Rien en moi n'a changé, comme un souffle qui serait passé. Je t'aimerai comme une femme, je t'aimerai comme une femme. Je noierai alors pour toujours ton âme. Je t'aimerai comme un homme, je t'aimerai comme un homme. Tu sais que moi je t'aimerai comme personne. Dans mes désirs ardents, je veux découvrir ce que cachent les yeux. Je veux toucher du bout des doigts, être l'essence de ton âme. Dans mes désirs ardents, je sais qu'un jour on se réaliser. Tous mes désirs de vierge ardente, déjà je sens ta main se tendre. Malgré la torture, s'effondrer en murmure, et ses péchés ardents deviennent plaisir lent.